La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Si mon peuple s'humilie et recherche ma face, je saucirai ses voeux. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face et se détourne de ses péchés, mon Dieu, je les exaucerai. Oh, je les exaucerai. Je les exaucerai. Je les exaucerai. Si mon peuple ce qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face et se détourne de ses péchés. Oh, oh, oh, oh. Si mon peuple ce qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je les exaucerai. Je les exaucerai. Oh, je les exaucerai. Oh, je les exaucerai. Oh, je les exaucerai. Oh, je les exaucerai. Oh, je les exaucerai. Oh, je les exaucerai. Oh, mon peuple, je les exaucerai. Si mon peuple, ce qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses péchés. Si mon peuple, ce qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai. Je les exaucerai. Je les exaucerai. Je les exaucerai. Je les exaucerai. Tu en es, je les exaucerai. A dit l'Éternel, je les exaucerai. A dit l'Éternel, je les exaucerai. Je les exaucerai. Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Je ne veux plus reculer. Reculer. Plus jamais reculer. Reculer. Plus jamais reculer. Reculer. Reculer. Reculer. Je veux avancer. Avancer. Toujours avancer. Je veux toujours avancer. Je veux avancer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Moi, tu veux avancer. Avancer. Avancer, mon bureau veut avancer, toujours avancer.